Dans le désir de parfaitement connaître son échiquier, avant de tenter l'abordage de la maison de Nucingen, Rastignac voulut se mettre au fait de la vie antérieure du père Goriot et recueillit des renseignements certains qui peuvent se réduire à ceci. Jean-Joachim Goriot était, avant la Révolution, un simple ouvrier vermicellier, habile, économe et assez entreprenant pour avoir acheté le fonds de son maître que le hasard rendit victime du premier soulèvement de 1789. Il s'était établi rue de la Jussienne, près de la Halle au blé, et avait eu le gros bon sens d'accepter la présidence de sa section afin de faire protéger son commerce par les personnages les plus influents de cette dangereuse époque. Cette sagesse avait été l'origine de sa fortune qui commença dans la disette, fausse ou vraie, par suite de laquelle les grains acquirent un prix énorme à Paris. Pendant cette année, le citoyen Goriot amassa les capitaux qui plus tard lui servirent à faire son commerce avec toute la supériorité que donne une grande masse d'argent à celui qui la possède. Le commerce des grains semblait avoir absorbé toute son intelligence. Deux sentiments exclusifs avaient rempli le cœur du vermicellier, en avaient absorbé l'humide, comme le commerce des grains employait toute l'intelligence de sa cervelle. Sa femme, fille unique d'un riche fermier de l'Abri, fut pour lui l'objet d'une admiration religieuse, d'un amour sans bornes. Après 7 ans de bonheur sans nuages, Goriot, malheureusement pour lui, perdit sa femme. Dans cette situation, le sentiment de la paternité se développa chez Goriot jusqu'à la déraison. Il reporta ses affections, trompées par la mort, sur ses 2 filles, qui d'abord satisfirent pleinement tous ses sentiments. Elles vivaient comme auraient vécu les maîtresses d'un vieux seigneur. Goriot mettait ses filles au rang des anges et nécessairement au-dessus de lui, le pauvre homme. Il aimait jusqu'au mal qu'elle lui faisait. Ses filles et gendres se choquèrent bientôt de lui voir continuer son commerce, quoi que ce fût toute sa vie. Après avoir subi pendant 5 ans leurs instances, il consentit à se retirer avec le produit de son fonds et les bénéfices de ses dernières années. Capital que Madame Vauquet, chez laquelle il était venu s'établir, avait estimé rapporter de 8 à 10 000 livres de rente. Il se jeta dans cette pension, par-dessus du désespoir qu'il avait saisi, en voyant ses 2 filles, obligées par leur mari, de refuser non seulement de le prendre chez elles, mais encore de l'y recevoir ostensiblement.